Ça s'annonçait mal. Très mal. Je n'avais pas mis les pieds dans ce genre d'endroit depuis ma mise en couple avec High. Les codes de comportement qui devaient être en vigueur sur l'astronef allaient m'être devenus quasi inconnus. C'est terrible, tout ce qu'une rupture vous enlève. J'avais l'impression de revenir dans une cité quittée 100 cycles plus tôt. Une cité qui aurait beaucoup changé. Évidemment, durant tout ce temps, inutile de rêver, les choses se transforment et n'attendent pas après vous. Quant à ma cité intérieure, des ruines et des cendres, la désolation. Appel sangloté ne tirant de son sommeil que l'écho. Raser les murs qui tombent en poussière. Bref, pardon, aucun indice pour deviner quels étaient les codes actuels. Voilà, j'étais sans repère, le dépaysement complet. Il fallait en passer par là. Si au moins High avait accepté qu'on fasse semblant encore quelques cycles, bah même ça n'aurait servi à rien, puisque l'Inter avait commencé à contrôler les couples établis, comme tout le reste. Et elle envoyait ses tueurs jusque dans les coins de la méga où autrefois elle fermait les yeux, où il y avait une certaine tolérance, où on savait pouvoir contracter de l'union arrangée, de l'intercours sur contrat, en plus d'éventuels désordres viraux, soit dit en passant. Même être en couple, ça ne constituait plus une protection pour personne, plus une garantie, aucune assurance. Même en couple, il fallait être actif et régulier et durer un temps bien déterminé, calculé selon le nombre de cycles de vie, sa position sur l'échelle sociale. Une multitude de barreaux serrés les uns contre les autres, tout en bas, puis un gouffre avant les derniers perchoirs. Selon l'origine, le revenu, etc., je ne vous apprends rien. L'Inter rentre tous ces critères dans les calculateurs pour déterminer le nombre d'actes de nature sexuelle qui vous sont prescrits. Et les derniers calculateurs à capteurs thermosensoriels envoient aussitôt un message à l'Inter si vous les oubliez chez vous. Vous ne le saviez pas? Est-ce qu'ici, entre vous, vous maintenez le même système de quotas de rapport, si je puis me permettre de poser la question? Très bien, je poserai mes questions plus tard. En tout cas, ça prouvait au moins une chose. Que les contrôleurs de l'Inter, sous leurs apparences de butor, n'étaient pas des imbéciles finis qui se seraient laissés berner par la première furtive étreinte après un verre au comptoir, dans le brouhaha et les égosillements de leur musique de fondue. Et tout le monde qui les prend pour des abrutis, moi comme les autres, nous ne sommes toujours pas suffisamment évolués pour cesser de juger selon les apparences. Bon. Vu que je ne connaissais plus les codes, je savais que n'importe qui pouvait m'aborder, le tout venant comme le raffiné, et la rencontre aléatoire, ça n'a jamais été ma tasse de thé. High me le reprochait suffisamment. Et tu ne sortirais pas de ta routine de temps en temps? Oublions tout ça, cet épisode est derrière moi. En tout cas, j'avais vu juste. À peine reposé mon verre sur le comptoir métallique et claqué la langue pour sortir un dernier nanoblast de la substance de contrebande, qu'on s'avançait déjà. Évidemment, on ne choisit pas un astronef de ce genre, sur un des anneaux les plus éloignés quand on a froid aux yeux et les orifices serrés. Comme on va à confesse, je crois qu'auraient dit les anciens. Tiens, c'est l'expression qui m'est revenue à ce moment-là, mais je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Les centres d'instruction et les plaquettes de connaissances, c'est loin tout de même. Ça fait un bail, je crois même, que les anciens auraient dit. J'aimais ça, étudier. Mais je n'ai pas pu me payer de quoi continuer. Au moins, ça sonnait bien, comme on va à confesse. Et j'avais besoin d'un peu d'assurance. Cela me tiendrait lieu de formule de protection, presque une incantation. Allez, ce n'est pas le moment de flancher, pour sûr. Je n'avais pas mis les pieds dans un tel gourbi depuis. Je n'allais pas commencer à compter les cycles qu'avait duré mon couple avec High. Je n'en menais pas large, mais c'était trop tard pour se dégonfler. L'autre n'avait pas l'air d'avoir l'intention de faire marche arrière. Bonsoir, je fonctionne sous le nom de Joa. Vous êtes là pour la même chose que moi, je suppose. Ouf, pour une approche directe, c'était une approche directe. À moins que pendant ma période avec High, les entrées en matière aient beaucoup changé. Ce n'est pas 100 cycles qu'on aurait cru maintenant, mais 10 000. Et voilà l'autre qui reprenait. J'ai déjà fait plusieurs tentatives ailleurs, mais les sbires de l'Inter font régulièrement des rafles de contrôle. Et désormais, ce ne sont même pas leurs officiels, des mercenaires. Ce sont les pires, ceux-là. Ils ne ferment les yeux sur rien. Ils sont animés d'un zèle de converti. Et grassement payés aussi. Bref, Ils embarquent tout le monde, putes, clients, tout le monde. Et je n'ai pas eu le temps de... La dernière fois, ils m'ont retiré ma carte d'approvisionnement énergie pendant 3 cycles. Et la fois précédente... Bref, ce n'est pas le pire qu'ils vous réservent. Il ne manque jamais d'imagination, vous pouvez me croire. Le ton était là, j'ai trouvé. Ni colère, ni révolte, non. Rien que la lassitude. Pas d'énergie pendant 3 cycles, et il y avait eu pire. Multirécidiviste, donc. Ça me rappelait ma première brimade, niveau 1. Logement réquisitionné pendant 1/3 de cycle. Retour à la caisse départ, au communautaire. Seul le centre de réhabilitation m'avait été épargné. Oh, personne ne s'était payé ma tête. On rame tous dans la même galère. Mêmes injonctions pour tout le monde, à part, évidemment, pour les protéger de l'inter. Joa, donc, multirécidiviste et avait connu pire. Voilà qui annonçait la couleur. Ne faisait pas dans la dentelle et... Vous avez vu ? J'ai de beaux restes de mes leçons sur les anciens. Bref, c'était à peine croyable, mais j'avais comme le désir qui s'éveillait. Quelque part. Encore timide, fragile sans aucun doute, mais quand même. Haye n'avait pas tout emporté alors. Cela pouvait encore surgir, pousser dans mon désert dévasté, j'ai pensé. Bon, je continue la parlotte puisque c'est moi qui ai commencé. On s'y prend comme vous voulez, je peux tout faire, j'aime tout. Ou plutôt... pause. Les moteurs arrière de l'astronef s'étaient déclenchés, complétant discrètement le brouhaha des voix des autres consommateurs. Quelques putes allaient et venaient. Enfin, si c'était bien les putes, vu comme les choses avaient changé, je n'en aurais pas mis ma main au feu. C'était comme si je sortais tout juste du communautaire et n'avais jamais rien vu. J'ai parcouru du regard les bouteilles derrière le comptoir, poliment, comme ça se faisait avant, au cas où certains usages avaient encore cours. Pas mal d'étiquettes vieillies annonçaient le liquide de contrebande, les bouteilles vidées, puis re-remplies. C'était vraiment un lieu de perdition, encore une expression des anciens qui me revenait. J'étais décidément en forme, c'était bon signe, je me suis dit. Oh non, ce n'est pas dur de retrouver tous ces détails. J'ai la mémoire excellente. Le plateau du comptoir avait perdu son lustre. Les ronds laissés par les verres lui faisaient comme des ocelles, une maladie de peau, le méchant virus qui tue tant de monde. Cette pute qui faisait les 100 pas derrière la plus grande table, et si c'était un contrôleur? J'en ai eu un frisson dans le dos. Ce serait prudent de baisser le ton, mais l'autre n'avait pas l'air méfiant. Continuait son baratin, prenait sûrement mon silence pour un encouragement. Disons plutôt, j'en ai assez pris plein la figure pour ne plus avoir peur de... Bref, rien ne me rebute, c'est vrai. Je peux tout faire et... Nouveau silence. C'était peut-être mon tour de dire quelque chose, mais quoi? On dit quoi quand on ne connaît plus les codes? Et... bref... tout m'est égal. Notons lasse, paupières à peine baissées. Eh bien, au moins, c'était sans ambiguïté. Et mon désir à moi qui s'éveillait toujours, et voilà même qu'il s'ébrouait. C'était un de ces jours, trop rare, disait tout le temps Haye, à se demander si quelque chose chez moi trouvait grâce à ses yeux. C'était un de ces jours où j'allais me surprendre. Voilà qui était cliché de chez cliché, même pour l'astronef le plus glauque. Et il fallait que je trouve à dire quelque chose, vite, avant que le désir ne se tire. Je m'appelle Kimé. Allons aux chiottes. Voilà, direct aussi. Je me trouvais plutôt pas mal sur ce coup, j'assurais, tiens. Déjà, vous ne voulez pas boire un verre? Ton sincèrement surpris. Hé, hé, tu ne t'attendais pas à ça, hein? On relève les yeux, et moi j'ai offert tout mon visage. C'est ce que j'ai de mieux, disait Haye. La suite, d'un ton amusé. Si vous n'avez pas envie, on ne va pas y arriver. Pause. Puis encore. Mais ce sera sans importance. Oh que si, j'avais envie, j'avais même foutrement envie. Et je l'ai dit comme ça, tant pis si ça fait vieux jeu, il y en a qui aiment. Si j'ai envie, j'ai même foutrement envie de vous. Car le désir avait fini de s'ébrouer. Il était debout, tête haute, droite, regard franc, fier de sa puissance. Je l'ai vraiment pensé. Voilà un jour où je vais me surprendre. Joa, avec un sourire, foutrement. Vous avez grandi chez des descendants d'anciens, vous. Ou alors vous avez bien potassé vos plaquettes. Allons-y, précédez-moi. J'ai caressé d'un doigt le comptoir. Allez, debout. La trouille m'aurait serré le ventre si toute la place n'avait pas été prise par l'envie qui commençait à brûler. Et tiens, non, la pute n'était pas un contrôleur qui aurait été là pour nous. Ou alors les codes avaient changé du tout au tout. Mais ça aussi, c'était sans importance. Je m'en foutais. Ça ne comptait plus. J'ai choisi les toilettes handicapées. Je me sentais soudain en veine d'ironie, et tant pis pour celle démesurée, toute puissante, abusive de l'inter, celle qui contraint tous les établissements, même sur un astronef aussi reculé que celui-là, à aménager des toilettes handicapées pour recevoir la clique déclopée, abîmée, massacrée, qui ressort de ces salles d'interrogatoire. Le service après-vente des spécialistes de torture de l'inter. Mais je m'en foutais de leur mur noir de bourreau, j'avais un dragon dans le ventre. Le diable au corps, encore une expression. Oh oui, j'étais en forme. Quand j'y repense. Joa est tout près de moi. Nos poitrines se rencontrent, souples. C'est l'astronef qui a bougé. Je recule contre la barre latérale d'appui destinée à ceux des interrogés par l'inter qui ont pu conserver au moins un bras. Joa m'attrape au rein. C'est ça ou le dos dans la merde. Vous allez vous en foutre partout. Et ça me fait sourire, ce commentaire sobre, en descendant lentement sur ses genoux. « Je m'en fous, je crois que j'ai dit. »« Et si vous vous retourniez ?» Joa demande. Et moi je murmure. « Alors ce sera la gueule dans la merde. » Une main sur le mur pour l'équilibre. Il faudra que je l'essuie, mais sur quoi ? Je m'en fous. L'autre main dans mon dos, dans les cheveux de Joa, sa langue dans mon orifice. Moi j'encourage. Tant que j'arrive encore, Joa, la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine, enseignait les anciens. Joa se recule pour reprendre souffle. Lentement, je me retourne. Je fais remonter Joa à ma hauteur. Ses genoux craquent légèrement. Joa se redresse, sein contre sein. Laissez-moi essuyer la merde sur votre visage. Et Joa se baisse pour ramasser sa chemise. Mais moi, je retiens ses seins. Une main en serre, l'autre en pince, mobile sur le téton durci, et c'est à son tour de gémir. Je voudrais en finir. Non, je sais plus. Ça veut dire quoi, finir? Je m'en fous. Ma main serre, voilà qu'elle descend à la recherche de son orifice frontal, et elle rencontre une peau épaisse. Deux cicatrisations. Les bourreaux. Jamais il ne manque d'imagination, vous pouvez me croire. Comme un hoquet, j'ai la compassion qui me saute à la gorge pendant que Joa s'excuse. Oui, ils m'ont masculé. Fermé ma fente à jamais. Multirécidiviste de l'abstinence, je vous l'ai dit. Et puis, quelques activités de résistance clandestine. La prochaine fois, leurs bouchers ne me laisseront rien. Couperont le reste. Si vous voulez, on arrête si ça vous dégoûte. Si ça me dégoûte. De ma chemise, j'essuie la merde sur mon visage. De ce jour, j'ai perdu le dégoût, et je m'en félicite. Mon regard plongé dans le sien, sérieux, mais ma main serre, tandis que l'autre forme maintenant une coupe tendre sur son sein, ma main qui s'apprêtait à glisser sous son membre pour combler les chairs tendres et humides, impatientes, offertes, la petite bouche chaude, mouillée, que les mercenaires à la solde de l'inter ont obturée. Ma main remonte d'un pouce, et saisit le membre qui les ont laissés, jusqu'à la prochaine fois, pour qu'il leur reste un endroit où punir à la prochaine sérieuse infraction. Quand nécessité fait loi, je lui murmure à l'oreille, et Joa, bras tendu, cherche en haut du mur de la cabine le préservatif qui devait y être, qui y était, car on ne quitte pas des toilettes d'astronefs, même le plus pourri, sans avoir remis des préservatifs sur les margelles des murs. Solidarité des marginaux, pour vous servir. Et tandis que la gaine légère s'enfile, je m'appuie les fesses contre la barre et je trouve à demander, faussement tranquille. La cicatrice, elle n'est pas sensible? Et Joa qui répond, c'est à explorer. Après, peut-être que j'invente. Comment souvenir de ces moments-là? Après, un bras de chaque côté de ma tête, j'ai les jambes écartées. Souffle qui s'élève, muscles du bras droit bandés pour pas se coller au murmure d'eux. Je plaque de la main gauche mon membre contre mon ventre pour laisser royal passage à Joa qui plonge dans mes yeux un regard sourd. Et le reste. Et j'accompagne la cadence. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour d'autres coïts maintenant qu'on a le quota, j'ai murmuré. Faire exploser les normes statistiques d'accouplement est un autre acte de résistance. Ça me convient parfaitement. Réponse de Joa d'une voix languie. Et si en plus on fait ça par plaisir? Je crois que c'est ce qu'on s'est dit. Je ne sais plus. J'avais la tête sur le côté comme une fleur fanée. Qu'est-ce que vous en faites de tous ces témoignages?